France Culture présente Les Sorcières, un livre de Céline Duchesnay. Une histoire culturelle et visuelle de ces femmes dont les pouvoirs dérangent, ou comment le mythe de la sorcière a évolué à travers les âges. Les Sorcières de Céline Duchesnay, une coédition France Culture. Bonjour Tiffaine, très bon après-midi à vous. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le destin de Maurice Genevoix s'est à la fois brisé et ouvert avec la guerre de 14. Brisé, on s'en doute, car elle l'a rendu invalide à 80%, lui a fait vivre l'enfer de voir la mort autour de lui et aussi de la donner lui-même, ce dont il ne pourra jamais se pardonner. Ouvert, malgré maigre consolation sans doute, car la guerre a exacerbé chez lui l'attention extrême qu'il avait à la vie, à son mystère et à son prix, comme nous l'avons raconté lundi avec sa biographe Aurélie Luneau, au cours d'une émission à retrouver sur franceculture.fr. Mardi, c'est justement sur la Grande Guerre que nous sommes revenus, et sur le récit « Ceux de 14 », écrit dans un français aussi simple que possible afin de ne pas abaisser par des effets de manche l'indicible tragédie qui s'est jouée dans les tranchées. Michel Bernard nous a raconté tout cela. Enfin, hier, c'est un autre versant de l'univers de Genevoix qui nous a occupés, puisque Jacques Tassin est venu nous parler de ses romans de la nature qui célèbrent l'enchantement de la vie. Et aujourd'hui, j'ai été tenté par l'expression plastique. Si j'avais eu la liberté de choix qu'on a rarement dans la vie, surtout quand on a 9 ou 10 ans, c'est de ce côté-là que j'aurais voulu m'orienter. Mais enfin, à la différence, disons, du père de Vlaminck, qui lui avait dit, quand Vlaminck lui a dit « je veux faire de la peinture », « fais ce que tu voudras, mon garçon, mais je te préviens, avec ça, tu pourras même pas mettre du sel dans ta soupe ». Bon, ben c'était la réaction, disons, bourgeoise, enfin, pour simplifier. Eh bien, si j'avais dit ça à mon père, il m'aurait pas dit ça, il m'aurait dit « il n'en est pas question, ce moment. » Aujourd'hui, en seconde partie de notre émission, nous serons avec le petit-fils de l'écrivain, Julien Larère-Genevoix, qui viendra notamment nous parler du roman Rabolio, prix Goncourt 1925. Mais d'abord, pour parler du rapport de Genevoix avec la peinture et les arts, nous sommes en compagnie d'Anne-Marie Royer-Pantin, autrice d'un texte sur le sujet dans le catalogue de l'exposition « Maurice Genevoix, un hymne à la vie » qui s'est tenu l'an dernier au musée de la Marine de Châteauneuf-sur-Loire. Bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres. Je vais vous dire un souvenir. Nous avions eu, je crois que c'était à l'école maternelle, une jeune institutrice qui devait avoir une vingtaine d'années, enfin une débutante. Et un jour, au tableau noir, avec des craies de couleur, elle a commenté une fable de La Fontaine, La grenouille et le rat. Et elle a dessiné un étang. Elle a dessiné ensuite les joncs autour de l'étang, la grenouille, le rat, le milan qui planait. Et ça participait pour moi de la magie. C'était vraiment déjà ce que j'appellerais aujourd'hui, si vous voulez, le miracle pictural. Pourquoi était-ce comme ça? Je n'en sais rien, mais elle a suscité quelque chose qui n'existait pas et qui tout d'un coup a existé pour moi, mais fabuleusement. J'y étais, je participais, et je crois que c'est une de mes premières, mais une de mes plus fortes émotions artistiques que j'ai jamais ressenties dans ma vie. Mais je m'en souviens très bien encore. La première émotion picturale de Maurice Genevoix confiée à Jacques Rousseau en 1978. Bonjour à vous, Anne-Marie Royer-Pantin. Bonjour. Alors tout le monde s'accorde à le dire, Genevoix c'était une plume, mais c'était aussi un regard. Un regard et un pinceau. Mais d'ailleurs on voit dans, sur sa table de travail, il y a les pinceaux ne sont jamais loin hein, de la plume et puis des crayons bien taillés. J'aime beaucoup ce texte sur sa première émotion esthétique. Elle s'appelait Mademoiselle Suzanne. Et quel émerveillement! Et c'est vrai qu'il est formidablement outillé, notre jeune voix, sensoriellement. Il le dit de toute façon, qu'il est sensoriel. Moi, le fréquentant beaucoup, je dirais même qu'il est aussi sensuel. En tout cas, il est formidablement équipé de 5 sens, dont tout petit va se servir. C'est aussi le bonheur d'être né dans ce cadre-là, au bord de cette Loire qui vous appelle sans arrêt. Et il a appris à regarder, il a appris à sentir, à toucher. Et ce don magnifique, d'ailleurs, il le dit souvent, qu'il aurait voulu d'abord être peintre, et qu'il ait d'abord été attiré par les formes et les mouvements et les couleurs. Et dans cette sensualité, dans ces 5 sens de Maurice Genevoix, est-ce que la vue prédomine ? Oui, sans arrêt. De toute façon, on voit que le champ lexical du regard est énorme dans son œuvre. Tout le temps. Ces héros, ce sont d'abord des chasseurs du regard. Ils sont tous aussi un peu peintres. Hein. Et Rabolio aussi, on le voit capter ce qui passe. Et ce regard, il va... Pour lui, c'est spontané. Et quand il se lance dans la voie créatrice, c'est d'abord en dessinant. On le voit dessiner au lycée Potier, ensuite à la Canale. Alors, il y a 2 citations qu'on peut donner qui vont exactement dans le sens que vous dites, Anne-Marie Royer-Pantin. C'est d'abord quand le personnage de Rabolio sait capter le gibier, je cite, « d'un sur-regard comme d'un coup de filet ». C'est vraiment ça. Et puis c'est ce sur-regard, c'est cette expression qu'il a utilisée assez souvent. Mmh. Et qui signifie quoi pour vous, ou qui renvoie à quoi ? Qui renvoie à au-delà de la nature. Il y a d'abord l'impression première, et c'est ce qui va faire le matériau de l'œuvre d'art, qu'elle soit peinte ou écrite. Et il faut que cette impression soit tellement captée, vécue de manière spontanée, première, qu'on aille au-delà des choses et au-delà des apparences. Et il explique souvent, c'est assez délicat, c'est cette perception, à la fois une perception première et en même temps un creusement, une appropriation de cette perception. Il y a aussi le pêcheur Najar, dont, je cite encore, « un seul des regards arrache de merveilleux secrets ». C'est peut-être ça, justement, aller au-delà de la perception, c'est arracher les secrets. Alors à quoi ? À la nature ? C'est l'émerveillement au monde. Encore au-delà de la nature, le monde. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas dire que ce soit un écrivain proprement régionaliste ou un écolo attaché à la nature. C'est au-delà de ça, parce qu'il y a ce prolongement poétique, toujours. Et c'est ce qui fait que son œuvre est immense et qu'elle nous touche toujours encore aujourd'hui. Donc on pourrait parler de présence au monde. Oui. C'est comme ça finalement que Maurice Genevoix regarde les choses, c'est en y étant totalement présent. C'est cette extraordinaire présence au monde. C'est un don. C'est un don, il le dit lui-même, de toute façon, qu'il a cultivé peut-être grâce au milieu, grâce à l'époque aussi. Pourquoi grâce à l'époque ? Grâce à l'époque, parce qu'on vivait une manière de liberté, pourtant avec beaucoup de contingences matérielles par rapport à aujourd'hui, mais une manière de liberté, où on pouvait justement aller à un monde encore préservé, et il le sait très bien. Est-ce qu'il s'est exprimé sur la question de la modernité, par exemple ? Est-ce qu'il y avait pour lui un regret de la modernité ? Il est passionné par la modernité, et on le voit aussi dans ses relations avec les peintres. Parce que si sa formation est proprement classique et humaniste, il le dit, hein, il s'est nourri de reproductions du Louvre et du Musée du Luxembourg, eh bien, il a aussi ce regard vers la création moderne et des peintres qui lui sont complètement contemporains. Pourtant, il n'aimait pas le cubisme, par exemple. Du tout. De toute façon, même Vlaminck, qui suit dans sa période fauve, il est plus intéressé par le Vlaminck postérieur au fauvisme. Il n'aime pas trop ces écoles-là. Et puis surtout, il est de ce qu'il a appelé, et qu'une école d'ailleurs picturale aussi a pris ce nom-là un temps, de la réalité poétique. Vous voyez les 2 termes qui sont là. Il faut toujours cette captation de la réalité, de l'émotion, de l'impression, de l'instant. Donc pas d'abstraction chez Maurice Genevoix. Non, il ne va pas à l'abstraction. Il s'arrête avant. Il est intéressé par la recherche des peintres modernes, quand il travaille, quand c'est un grand ami de Roland Houdot, de Christian Caillard. Donc il est passionné par cette recherche-là. Mais lui s'arrêtera avant, justement à cause de cette présence au monde, et de cette recherche d'authenticité permanente et de travail. Il le dit beaucoup, beaucoup dans son merveilleux ouvrage sur Vlaminck et dans toutes ses lettres à Vlaminck, qu'il faut que le travail est essentiel, qu'il y a une solitude laborieuse d'ailleurs. C'est passionnant, hein, c'est la démarche de Peggy, ce recreusement permanent pour arriver justement à cette dimension poétique et à la création artistique. La présence au monde, est-ce que ça n'est pas justement l'état dans lequel se trouvent naturellement les enfants ? Oui. Parce que l'enfance... C'est l'enfance au cœur, Genevoix. Voilà. C'est cette enfance au cœur qui lui a permis de traverser des épreuves épouvantables, comme la guerre et ensuite la Deuxième Guerre mondiale, ne l'oublions pas. Et oui, c'est ce cadeau qu'il a reçu, qu'il a su préserver. Vous savez, à 12 ans, tout est joué. Il y a Peggy qui le dit, il y a Delacroix qui le dit, et il y a Genevoix qui le dit, évidemment. Et surtout, savoir y revenir. Et au fil de son œuvre, il l'a jamais perdu. L'enfance est là, même c'est ce qui lui permet de supporter l'horreur de la guerre. C'est ces lumières-là de Loire, d'Orléans, les tours de la cathédrale quand il était au collège. Tout est là. Et d'avoir su ensuite, avec cette dimension que lui donnait aussi le temps et le recul, où on arrive à une dimension là aussi proprement poétique, parce qu'elle est là, elle est vécue, et en même temps, elle fait partie de son imaginaire. On peut peut-être faire un détour, justement, par la littérature pour enfants, qui a été aussi une dimension un peu, peut-être oubliée aujourd'hui, de Maurice Genevoix. Il n'y a pas que de la littérature, hein, il y a aussi des chansons. Il était très doué pour ça. Très doué, on voit l'émerveillement de sa fille Sylvie, qui l'a nourrie de ses histoires, de ses contes. On ne sait pas si ce sont des contes, d'ailleurs, parce que chez lui... La réalité se prolonge toujours dans la féerie. Donc, c'est merveilleux pour des enfants. C'est absolument pédagogique parce qu'on est appuyé sur le réel. Donc, il y a tous ces contes de l'hirondelle et qui file printemps. Il y a ces livres pour la jeunesse qui lui avaient été commandés d'ailleurs par l'inspecteur général de l'éducation nationale et qui sont les compagnons de l'Aubépin. Et c'est une époque aussi. Et moi, j'ai adoré ce livre parce que moi, j'ai été bercée avec les clubs des cinq, etc. Et puis toujours ce fil, cette petite leçon sous-jacente, c'est une leçon de bonheur quelque part. Et quand il parle à l'enfance, quand il chante pour l'enfance, il a fait aussi des chansons pour les frères Jacques, tout est là, je dis, le réel, l'apprentissage du réel, l'apprentissage de la fraternité, de la difficulté aussi d'avancer, de l'effort, et puis cette ouverture au monde et cet émerveillement permanent. Alors la présence et le regard dans l'enfance, puis dans l'adolescence, puis dans le jeune âge adulte, c'est la volonté aussi de faire les beaux-arts. Il y a eu un moment donné où il s'est dit, comme il dessinait beaucoup et comme il aimait aller sur le motif, c'est ça aussi, hein, Genevoix, c'est la promenade, la balade pour la chasse et aussi la peinture sur le motif en extérieur. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça ne s'est pas fait les beaux-arts pour lui ? D'abord, il est extrêmement modeste, vous savez que c'est une de ses qualités, toujours extrêmement discret. Et il s'est assez vite rendu compte, d'ailleurs, parce qu'imaginez que très tôt, il fréquente de grands artistes. Il va croiser très jeune la route de Maurice Asselin, de Claude Rameau, de qui vont devenir de vrais artistes. Mais après 14 ou même avant la guerre ? Avant. Et il voit bien qu'en se frottant aux autres, son œuvre n'est pas assez forte. Mais vous savez, il y a concurrence, hein, parce que quand il revient encore après qu'il écrit ceux de 14, dans sa petite turne, là, la petite piole de Normal Sup sous le toit, eh bien, on voit, moi, je vais aller regarder ce qu'il avait accroché au mur, il y a des petites aquarelles de Roland Houdot, qui est tout jeune, qui commence juste sa carrière, ça devient devenir un très grand ami. Évidemment, à côté, il y a des grands classiques, Van Dyck et autres. Mais il va bien voir quels sont ses outils. Mais si l'outil change, le regard, l'émotion primordiale est la même. Donc il ne se sent pas au niveau des peintres qu'il admire. Et en même temps, il admire les fauvistes. Et lui-même n'aime pas pourtant l'idée d'une école ou l'idée de la modernité en peinture qui lui semble finalement ne pas correspondre à le fait que on peint indépendamment, logiquement, des courants. C'est ça quand même. Donc à la fois... Parce qu'il y a la nature. Et que c'est pour ça qu'il se détourne de l'abstraction. C'est que pour lui, le matériau premier, c'est Vlaminck, c'est tous les peintres qu'il a aimés, ont ça en commun. Pourtant, ils sont tous différents. Mais ils ont cette impression première qu'il va falloir aller à la fois enchanter, décanter, travailler pour arriver à la traduction picturale. Et sa démarche en littérature et sa démarche poétique, surtout à la fin dans ses romans-poèmes, c'est exactement la même. Vous savez, en tant que romancier d'abord, et en tant qu'homme ensuite, à travers mon expérience de ces nombreuses années que j'ai vécues, eh bien je suis convaincu de l'importance décisive des 10 ou 12 premières années de la vie, en particulier sur la formation, l'inspiration et sur l'œuvre future d'un écrivain. Je crois que j'ai là des répondants de qualité, des gens comme Delacroix, par exemple. Je crois que c'est lui qui a dit à 12 ans, tout est joué. Peggy l'a répété après lui. Et vous le croyez ? Moi, je le crois profondément, oui. Proust l'a dit aussi, vous rappelez ce passage où il parle des chemins de Combray et où il dit qu'il n'y a qu'une chose qui l'émeut lorsqu'il lui arrive encore de voyager, c'est de rencontrer des pommiers en fleurs ou une meule dorée, ou une église dorée comme une meule, plus exactement, n'est-ce pas, et qu'il ramène directement sur les chemins de Combray, enfin vous savez quoi, de son pays natal et du pays de son enfance. Je me rappelle, tenez, puisque nous sommes là pour bavarder, on peut y aller. On peut y aller. Bon, eh bien je me rappelle Vlaminck, que j'ai bien connu et que j'ai beaucoup aimé, qui était un homme extraordinaire et à bien des égards admirable. Eh bien, je me rappelle Vlaminck à 80 ans, devant un champ de blé qu'il était en train de peindre, et me disant à peu près ceci, tu vois ce champ de blé ? Eh bien, pour moi, ça me ramène dans la plaine de Nanterre, alors qu'il y avait des blés, vous voyez, c'est pas d'hier, dans la plaine de Nanterre, et à une promenade que j'ai faite avec mon père, et j'y suis de nouveau. Je sens ma main dans sa grande main, un peu moite à cause de la température excessive, mais la vibration de l'air, le bleu intense du ciel, le poids des épis, le crissement des grillons, vous savez, des sauterelles et des insectes, j'y suis de nouveau, et chaque fois que même aujourd'hui j'essaie de peindre un champ de blé, eh bien c'est ça qui revient. Au micro de Jacques Chancel en 1969, tout est joué avant 12 ans, on en parlait à l'instant, Anne-Marie Royer-Pantin, de cela il était vraisemblablement d'accord, sur cela il était d'accord avec Vlaminck. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la relation entre les deux et sur quoi se fonde-t-elle ? Est-ce qu'elle se fonde sur la peinture ou est-ce qu'elle se fonde sur autre chose et par exemple des déjeuners, je ne sais pas, plantureux ? Les deux, je vous ai dit qu'il est magnifiquement équipé sensuellement et sensoriellement. Alors c'est amusant d'ailleurs de voir ces deux hommes côte à côte, l'un fluet, mince, élégant, un peu fragile, fragilisé par la guerre, mais il a toujours été passionné par la forme physique, notre jeune voix, et l'autre qui est quand même une bête solide, carrée, les deux pieds dans sa terre beauceronne, puisque c'est là aussi il se retrouvait, à la Tourière, là-bas où était allé se réfugier le fauve qui n'était plus fauve, qui n'appartenait plus à l'école du fauvisme. Et ils échangeaient surtout, de toute façon, sur l'émotion picturale, le regard sur le monde, et en même temps, cette formidable gourmandise du monde qu'avait Vlaminck, une gourmandise en couleurs, puisque vous savez qu'il y a une vraie patte sur ces tableaux. La couleur, c'est la sensualité, quand même. Il y a la matière, c'est pour ça que je vous dis, une approche extrêmement sensuelle du monde. Et ils se retrouvaient tous à ces déjeuners fameux à Châteauneuf, au restaurant Feuille au Bois, où on mangeait des pieds de cochon pané et farci, et puis des poulets au gris meunier local, etc. Et là, il y a des récits qui sont très, très émouvants parce qu'ils se retrouvaient avec... C'est l'amitié, je vous ai dit, il est doué par les sens, il est doué pour les mots, il est doué pour l'amitié. C'est un ami formidable. Alors, je vois que vous aimez parler quand même ce restaurant Feuille au Bois, et c'est normal parce que vous avez écrit beaucoup de livres sur la gastronomie. Je crois que vous avez aussi, on peut faire une parenthèse là-dessus, écrit un livre sur la gourmandise chez Genevoix, que vous êtes en train de l'écrire. Oui, parce que je trouve que, vous voyez, c'est un personnage qui a énormément de clés. Et c'est merveilleux qu'on en reparle, parce que on peut rentrer chez lui par le grand porche du Panthéon où il est accompagné par tous ceux de 14, et que c'est profondément émouvant et que ça le restera pour toujours. Mais en même temps, il y a des tas de petites clés. Il y a la clé du cellier, il y a la clé de la cuisine, il y a la clé du jardin. Alors, parce donnez-nous que la clé de la cuisine. C'est un jardinier fabuleux. Ah, la clé du jardin. Et la clé de la cuisine, parce que vous voyez, il n'est pas gargantuesque, il le dit, il a un oncle qui, lui, est tout à fait... Ça se voit, en effet. Pantagruélique. Lui ne l'est pas. Il est gourmet. Mais il a en même temps, comme il a une gourmandise des mots, il a un regard sur les choses de la table, avec toujours le même regard que sur la peinture ou la littérature. Ou... Il lui faut de l'authentique. Alors il faut qu'on aille. Et aussi, le produit va à la terre et vient de la terre. Donc, quand il va nous parler des poires du Val-de-Loire, des vieilles poires de Bézi, des poires Bon Chrétien, des Louise Bonne, il y a le goût des mots qu'aura toujours le secrétaire perpétuel de l'Académie. Il y a les saveurs de son enfance aussi, parce que c'est comme Proust dont il nous parlait tout à l'heure. Hein. Il y a toute réminiscence est olfactive et savoureuse. Et il nous la rejoue, hein, souvent. Différemment, évidemment, ça va être les fraises des bois ou l'omelette froide chez la grand-mère, et ça va être le pain à la fesse au lycée à Orléans, ça va être, vous voyez, et en même temps, ces repas d'amitié qui sont toujours au restaurant. J'adore ces passages-là parce qu'ils sont truculents. Et chez Genevoix, il y a aussi, à cause de cette présence au monde dont vous nous parliez tout à l'heure, il y a cette truculence-là parce qu'il faut. Le voir, le monde, il faut le manger aussi. Il faut le boire aussi. Et le boire aussi. Modérément, parce qu'il sait qu'il ne peut pas boire beaucoup. Mais on a des pages délicieuses sur les vins de son pays. Il faut penser qu'il a racheté une maison. Les Vernelles, c'est une maison de vignerons. Hein. Et quand il a racheté, il y avait encore des plants de Grimenier. qui revient un petit peu, un vin qu'on avait oublié. Alors, il y aura quoi, du coup, dans ce livre ? Il y a des citations, des extraits recettes, peut-être ? Oui. Oui, et en même temps une promenade, parce que quel merveilleux point de départ que la saveur du monde. Et comme je connais bien ce domaine-là, que je le connais bien et que je le suis, voyez-vous, quand il est à Bordeaux, où j'ai aussi habité et travaillé, j'ai écrit beaucoup. Il est là, il mange les petites huîtres gravettes avec la petite saucisse crépinette, qui est vraiment la façon de faire. À ce moment, il boit du Saint-Émilion avec. Moi, j'aurais peut-être pas mis du Saint-Émilion. Mais enfin, bon, ça c'est une vie personnelle. J'aurais peut-être mis un grave blanc plutôt. Mais il aime. Et la lamproie. La lamproie qui goûte, c'est son enfance. Et puis quand il va sur les bateaux des pêcheurs, c'est la lamproie. Et quand il va en Bordelais, évidemment, il goûte à la lamproie bordelaise. Vous savez, dès qu'un écrivain ou un artiste quelconque accède à une certaine notoriété, il n'a même pas besoin d'atteindre une certaine notoriété. Dès qu'il tombe sous le joug ou la surveillance de la critique, aussitôt, c'est commode, on dit écrivain de guerre, ça se comprend. Je pourrais vous raconter des anecdotes, je suis diffluent, vous le savez, je vous le préviens de nouveau. Eh bien, je me rappelle très bien que quand j'ai publié Rabolio, qui n'était pas mon premier roman, c'était mon 10e ou 11e livre, Lucien Descaves, le père de Souzoff, m'a dit, Genevoix, regardez, on vous a foutu là-dessus un bois de cocher, et vous allez encore être étiqueté écrivain de guerre. Mais c'est pas un livre de guerre. Ça fait rien, il y a un braconnier, mais il lui a mis sur la tête une espèce de casquette qui a l'air d'une bourguignotte, il a un chien qui a l'air d'un chien de tranchée, votre livre va tomber à plat à cause de ça. J'ai donc été écrivain de guerre. Après ça, j'ai été écrivain régionaliste, bien sûr, à Beaulieu, à la Sologne, voilà, Tulique de Nessus, inséparable, ça collette partout. Après ça, j'ai été animalier, la dernière Harde. Après ça, j'ai été un naturaliste, les bestiaires, écologiste, enfin une série d'étiquettes qui sont, disons pour la commodité verbale, légendaires. Entretien là aussi avec Jacques Chancel en 1969. Alors ça fait pas mal d'étiquettes, c'est vrai, Anne-Marie Royer-Pantin, mais quand il y a tellement d'étiquettes, finalement, il n'y en a plus. C'est une manière de brouiller les pistes. Il n'aime pas les étiquettes, il n'aime pas les chapelles, ça on l'a dit souvent. Qu'est-ce que ça peut faire dans le fond? Si c'est là et qu'on dit régionaliste, du moment qu'il n'est pas limité entre son chapeau et ses souliers, comme il aimait justement à le dire, et puis cette curiosité qu'il a en permanence. C'est pour ça qu'on dépasse le hic et nunc, les contingences de temps et d'espace avec lui, et qu'on atteint une véritable œuvre dans laquelle les générations actuelles peuvent se nourrir encore, parce qu'on a atteint cette dimension poétique, cette vision du monde et ce conseil permanent d'émerveillement, et surtout d'y aller avec ses cinq sens et son authenticité et puis son cœur, voilà. Alors écrivain régionaliste ou pas, finalement, peu importe, et d'ailleurs pourquoi pas être aussi un écrivain régionaliste. Peintre du terroir, ça peut-être que c'est plus vrai, parce que ce qu'il a peint, alors il n'a pas peint beaucoup, ou plutôt il n'a pas gardé finalement beaucoup de tableaux, ça c'est assez étonnant comme démarche. C'est sa modestie, je suis sûre que c'est sa modestie intrinsèque. Alors ça vous allez peut-être nous en parler, mais c'est tout de même toujours des peintures de paysages, des peintures d'animaux, donc est-ce que c'est un peintre du terroir ? C'est un peintre sur motif, c'est vous qui l'avez dit, et il aime à le répéter, et de toute façon, quand il tombe amoureux fou de l'œuvre d'un Claude Rameau, d'un Louis Charlot, dans ses premières amours de peintre, ce sont souvent des peintres ligériens d'ailleurs, ou des Nivernais comme lui, et c'est aussi cette façon de capter le motif, et puis après c'est sans fin, c'est une ressource sans fin, justement parce qu'il faut se l'approprier et à chaque fois y faire passer une émotion différente. On n'a pas cité le nom du noyer de Segonzac non plus. Ah oui, c'est un peintre qui faisait partie de son entourage. Ça aussi, et la Patellière, Amédée de la Patellière, tout ça aussi, ce sont des rencontres extrêmement émouvantes liées à la guerre, parce qu'ils ont tous traversé la guerre, comme Mathurin Méheux, qui illustrera magnifiquement Rabolio. Ce sont des écrivains d'abord avec qui partagent cette fraternité, hein, parce que la Patellière, dont il va garder les trois aquarelles de guerre dans son bureau tout au long de sa vie, et que Julien a, je crois, eh bien, il y a une rencontre bouleversante de là en 18 entre deux êtres déglingués, abîmés par la guerre physiquement, moralement, et il y a cette confraternité là qui va jouer aussi dans ces rencontres picturales, hein. Et ses grands amis, ce sont ceux qui ont aussi traversé les mêmes épreuves que lui, et il va aussi sur ces artistes qu'il aime, qu'il fréquente, parce que c'est ça aussi, il le dit bien, qui va à ces artistes, c'est pas rationnel. Je n'ai pas un effet de mode. De toute façon, lui, il s'en fiche. Mais c'est d'abord une émotion. Et alors, sur la destruction de ses propres œuvres, vous parlez de modestie, Anne-Marie Royer-Pantin, c'est ça, selon vous ? C'est pas aussi autre chose ? Parce qu'on peut être modeste, garder ses tableaux quelque part chez soi, ne pas forcément les montrer, mais de là à les faire disparaître ? C'est ce qu'il nous confie, hein, qu'il nous dit qu'il n'est pas peintre, mais qui pourtant il l'est toujours. Donc il y a cette ambiguïté-là, ça c'est son monde personnel, ça c'est peut-être son secret aussi, qui a aussi à la fois de la modestie devant sa production picturale, et en même temps de l'orgueil, puisque quand il écrit, il a un sens de l'excellence extraordinaire, et que ce sens de l'excellence auquel il atteint dans l'écrit, eh bien il ne l'atteint pas dans la peinture. Donc il y a peut-être ça aussi, de l'exigence du créateur. Alors, est-ce qu'on peut parler, pour terminer, d'un Genevois qui serait aussi un critique d'art ? Il a écrit des essais d'art, il a parlé des peintres de ses amis. Mais il ne veut pas être critique, il le dit bien, jamais. Il ne serait pas autorisé de critiquer. Là encore, ce sont des propos d'amitié, des sentiments, des sensations, et puis de la fréquentation au long cours de ces hommes. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que pour lui, c'est au même creuset, l'homme et l'œuvre. Et ses amis, d'ailleurs, ont cette particularité, que tous, c'est vraiment évident, l'œuvre est inséparable de l'homme. Donc il y a plusieurs préfaces aussi qu'on lui doit, hein, notamment des préfaces sur Fujita, des préfaces sur Mathurin Méheux, c'est un nom que vous avez cité aussi. Et oui, quel immense peintre, et il nous a rapporté des peintres de peintures de guerre, et puis ensuite à une œuvre exceptionnelle, et qui est reconnue d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est très étonnant d'ailleurs, parce que vous voyez, il va aussi vers Fujita. Exactement, alors ça c'est un peu étonnant. Il va, je vous dis, il y a une curiosité, et quand ça fait tilt, quand il a cette émotion devant, souvent ce sont des gens qui rencontrent d'abord par l'étoile. Et il le dit bien, il y a quelques rencontres qui sont d'homme à homme, comme la Patellière du Noyer de Segonzac. Et puis il y a toutes ces rencontres au hasard de ses visites dans des petites galeries assez confidentielles. Il sent. Et on voit d'ailleurs le lien, par exemple, avec Larrieux, le peintre des Landes. Il dit bien que ce sont d'abord les toiles. Et il a ressenti quelque chose. Merci beaucoup Anne-Marie Royer-Pantin. On peut se procurer un certain nombre de vos livres qui célèbrent La Noix ou encore Le Coin aux éditions S dans la collection Les Fruits de la Terre. Quant à votre texte sur Genevois, il est apparu dans le catalogue de l'exposition Genevois, un hymne à la vie qui s'est tenu l'an dernier à Châteauneuf-sur-Loire au musée de la Marine de Loire. Dans un instant, on va écouter le petit-fils de l'écrivain, parler notamment du roman Rabolio, mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver Aliette Armel pour notre chronique du jeudi. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Car chaque jeudi, vous le savez, nous offrons une carte blanche à des lecteurs aguerris comme vous. Aliette, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, critique littéraire. Vous avez relu pour nous aujourd'hui le roman de Maurice Genevois intitulé « Un jour ». Que peut souhaiter un homme de 88 ans après avoir traversé les grandes guerres mondiales du XXe siècle et la mise à l'épreuve de sa fidélité aux valeurs de l'honneur aristocratique ? Quel désir peut-il encore exprimer après avoir joui de la beauté de la nature aux lois éternelles qui fait jubiler tous les sens, celle d'un étang sous la clarté de la lune ou d'un cerf à l'heure du brame, mais aussi la beauté d'une jeune femme à la vigueur et à la splendeur d'une déesse mère. Quelle demande peut ainsi formuler Fernando Bell, obreau vivant à l'écart de la société dans sa propriété des Vieux Gais en Val-de-Loire, lorsqu'il croise le narrateur d'un jour, écrivain par ailleurs secrétaire perpétuel de l'Académie française, perdu au milieu de ses bois, peuplé d'arbres chantant sous l'effet des bourrasques. « Voulez-vous me donner tout un jour ?» demande Daubel à Genevois. « Un de vos jours, et le confondre avec l'un des miens. Je vous promets qu'il ne se passera rien, que ce sera un jour ordinaire, comme ils le sont depuis 35 ans. Je vivrai, vous étant là, je vivrai comme hier et demain, et puis vous partirez, nous nous quitterons, nous ne nous reverrons peut-être plus, mais je pourrais me dire que quelqu'un sait, que c'est vous, que vous êtes d'accord, et que vous vous souviendrez lorsque j'aurai fermé les yeux. » Le narrateur accepte. Il accompagne Fernando Bell tout au long d'une journée dont l'ordinaire se déploie en laissant affleurer l'exceptionnel. La rencontre, les yeux dans les yeux avec un cerf, rencontre dans l'enchantement, dont l'enchantement atteint la limite de l'indicible. La destruction d'une pinède avec des bulldozers comparée aux chevaux de l'Apocalypse, mais aussi la révélation de ce misérable petit tas de secrets enfouis par Daubel. Il pourrait être un terreau pour déployer le romanesque, si tel était l'objet du livre. Car ce roman, dont Genevois ne cache pas le côté autobiographique, est avant tout son testament, tout autant que celui de Fernand Daubel. Il est son livre ultime, publié en 1976, à l'âge atteint par Daubel lors de leur journée commune au Vieux Gais. Et ce qui résonne ici, c'est la sagesse d'un homme profondément en prise sur la vie, dans une entière acceptation de soi, et persuadé qu'il n'y a pas de mort pour le passant qui s'est perçu vivant au milieu de la nature, dans la calme répétition des jours, à peine troublé par les deuils, les amours et les tentatives de l'argent et du pouvoir pour intensifier le chaos et mettre le monde à l'envers. Daubel ne cesse pas de croire à la vertu d'une vie ordinaire, infiniment simple, comme celle évoquée par Dostoïevski, citée en exergue. Il ne cesse pas de croire à la possibilité d'une connaissance fondée sur l'intuition et le regard, comme celle proclamée par les transcendantalistes Thoreau et Emerson. « Nous savons beaucoup plus que nous n'assimilons », écrit Emerson. Et dans ces derniers jours, Daubel rejoint le vieux Whitman dans son affirmation « Je suis dans l'univers entier et je suis dans tous les temps ». Daubel lègue à son fils Antoine la charge de planter, en compensation de la pinède abattue par les bulldozers, 60 000 jeunes arbres sur 30 hectares pour que renaissent chaque printemps, dans la brume nimbée de pollen, la force et la fougue, la chaleur et l'ardeur à vivre des jeunes pousses. Daubel lègue à Genevois la charge d'écrire après sa mort le récit de ce jour voué à la paix et à la poésie du monde, à la noblesse des vies libres, entrant en communion avec l'essence des choses. Dobel, un personnage dont la voix se confond étroitement avec celle du narrateur genevois au soir de son existence, une voix entrant comme en sourdine, en résonance avec celle du braconnier Rabolio, mais aussi avec celle des soldats de 14, une voix portée par le désir ininterrompu de persister à célébrer, jusqu'au-delà de la mort, la richesse du monde, la communion avec la nature et la fraternité entre les hommes. Merci beaucoup, Aliette Armel, de nous avoir donné envie de rouvrir Un jour de Maurice Genevois, qui devrait d'ailleurs reparaître dès l'année prochaine. À très bientôt. Rien n'est plus joli que la Loire. Peut-être si la forêt noire ou les animaux qui vont boire dans les beaux déserts au beau soir. Rien n'est plus joli que la Loire. Ta bouche, mais c'est une autre histoire. C'est vrai, elle vaut bien la Loire. Il y a aussi beau que la Loire. La Loire est un grand fleuve idiot qui tombe à l'eau. La vie, c'est tout comme chapeau. Mais c'est bien beau. Rien de plus joli que la Loire. Ou peut-être si cette poire que croque l'enfant de l'histoire, de notre amour qui vaut la Loire. La Loire par le groupe Molly Pop, c'est la compagnie des œuvres que vous écoutez. Vous êtes bien sur France Culture, on continue de parler de Maurice Genevois, l'auteur de Ceux de 14, mais aussi de Rabolio, prix Goncourt 1925. Nous sommes pour ce faire à présent avec vous, Julien Larrère-Genevois. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le petit-fils de Maurice Genevois, mais vous n'avez pas connu votre grand-père puisqu'il est mort, je crois, un an avant votre naissance. Un an avant ma naissance, exactement. Mais en revanche, j'ai bien connu sa fille, qui était ma maman, ouais. Et qui m'a livré, Sylvie Genevois. Et je crois que c'est elle qui m'a livré le plus de clés pour accéder à l'univers de son père. Elle vous a beaucoup parlé de lui? Elle m'a beaucoup parlé de lui, et en réalité, elle n'est pas la seule. Il y a quand même deux personnes qui m'ont parlé de lui. Il y a d'abord ma grand-mère, qui très tôt m'a expliqué qui était mon grand-père et l'importance qu'il avait eue, à la fois en tant qu'académicien et que perpétuel. Et puis, il y avait une autre approche, peut-être un peu plus sensible, un peu plus tendre, qui était celle de maman qui répétait souvent qu'elle avait eu la chance d'être élevée au monde par la grâce d'un enchanteur, quand elle parlait de son père. Et je trouvais que ces mots-là ouvraient un univers absolument infini de tendresse et d'envie pour moi de connaître ce grand-père. Vous vous souvenez justement de ces conversations que vous avez eues avec votre grand-mère, avec votre mère, parce que quand on est enfant, on se rend pas forcément compte de qui est Maurice Genevois, à quoi ça correspond finalement ce nom-là. On s'en rend pas tout à fait compte, ou alors on vit dans une espèce de double réalité. C'est-à-dire que vous rencontrez beaucoup de gens qui s'intéressent à Maurice Genevois, qui l'ont lu, et qui, comme beaucoup des lecteurs de Maurice Genevois, ont été touchés au cœur par cette œuvre. Et lorsqu'on rencontre ces gens, on a l'impression que parler de Maurice Genevois avec eux, eh bien, c'est leur ouvrir finalement un monde de bonheur et de joie. Et puis, à côté de ça, il y avait une autre image, beaucoup plus absente, qui était finalement des gens qui n'avaient pas lu Maurice Genevois, et qui donc, du coup, ne savaient plus trop qui était Maurice Genevois. Ça leur disait quelque chose. Ça leur disait vaguement un souvenir de collège, peut-être d'école, ou quelque chose d'assez ancien. Mais donc, j'ai vécu, en fait, toute mon enfance et mon adolescence dans cette dichotomie, entre les lecteurs de Genevois et les autres. Et votre sœur aussi? Ma sœur aussi. Un tout petit peu plus âgée que vous, qui l'a pas vraiment connue non plus. Elle ne l'a pas connue, ou en tout cas elle ne s'en souvient pas, mais lui l'a connue. Et ça, je crois que c'était pour lui quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, on le voit, il y a eu plusieurs reportages à ce moment-là, notamment un très beau reportage qui avait été fait par Paris Match à l'époque. On voit effectivement Maurice Genevois qui a 90 ans et qui s'émerveille devant cet enfant qui a quelques mois. Il y a notamment de très très jolies photos où on voit bien ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette espèce de tendresse pour l'enfance. Et on voit que Maurice Genevois regarde sa petite fille bien comme une sorte de merveille, et d'autant plus merveilleuse que finalement assez inattendue ou assez tardive pour lui. Et donc je crois que pour lui ça a été un grand moment, finalement presque au moment de quitter la vie, et bien de prendre la mesure d'une très jeune vie, d'une toute petite vie. Alors, est-ce que vous avez pu lire quand vous étiez petit, peut-être qu'on vous a lu ces histoires de votre grand-père, les deux lutins, l'hirondelle qui fit le printemps, mon ami l'écureuil? Je les ai lus, tous ces livres, et j'avais tout de suite senti qu'il y avait dans la littérature de Maurice Genevoix quelque chose de différent. Et on en parlait tout à l'heure, une forme d'exigence. C'est vrai que lorsque j'ai commencé à lire moi-même à mon fils de 9 ans Les Deux Lutins, il m'a dit « mais c'est très beau, mais ça ressemble pas à ce qu'on lit aujourd'hui ». Pourquoi ? Quelle est la différence avec la littérature habituelle pour enfants ? Je crois que c'est une littérature pour enfants qui ne prenait pas les enfants pour des êtres incapables de réfléchir. Et qu'il y avait peut-être une exigence, une envie de les emmener un peu plus haut que la littérature contemporaine pour enfants aujourd'hui. Il y a une poésie que je n'ai jamais retrouvée chez d'autres écrivains pour enfants, parce que je crois que Maurice Genevoix considère que les enfants sont des êtres à part entière, certes en devenir, mais qu'il a envie de les amener au même degré finalement que ses lecteurs adultes. Et puis après, vous avez voulu lire ceux de 14. Là, vous étiez déjà un petit peu plus âgé, mais peut-être pas encore tout à fait assez âgé. Pas tout à fait assez âgé, puisque j'étais en 6e ou en 5e, je crois, lors de ma première lecture de ceux de 14. Et c'est vrai que mon souvenir est que j'étais passé à côté complètement du livre. Bon, en réalité, j'ai retrouvé une copie que j'avais rédigée en 5e ou en 6e. Et finalement, non, j'avais quand même retenu quelque chose. Mais je n'avais pas totalement perçu finalement l'essentiel de l'œuvre, c'est-à-dire le message de fraternité. J'avais vu l'horreur des tranchées, j'avais vu l'horreur peut-être de la condition des soldats, mais j'étais passé à côté de la fraternité. Mais alors du coup, quand on lit jeune ce récit et qu'on sait que c'est son grand-père qui non seulement l'a écrit mais qui l'a vécu, ça doit vous changer un petit peu quand même. Ça doit être difficile, d'une certaine façon, de savoir que ses ancêtres, les gens que votre mère a aimés, la personne qui était son père à elle, ont vécu tout ça. Oui, il y a une. C'est vrai que mes dernières lectures de ceux de 14, parce que je l'ai beaucoup relu depuis quelques années, souvent pour pouvoir en parler, et c'est vrai que ces lectures m'ont. Oui, m'ont rendu finalement ce jeune voix que je ne connaissais pas physiquement, me l'ont rendu beaucoup plus proche et on finit par créer une sorte de lien tendre qui n'existait pas, puisqu'au départ c'était une forme de mémoire un peu froide, c'était le grand-père que je n'avais pas connu. Et donc c'était assez froid et c'était assez ancien. Et ceux de 14 m'a ramené à une dimension beaucoup plus tendre. Et puis, pour le dire clairement, c'est pas seulement la littérature de Maurice Genevoix qui me l'a rendu tendre, bien sûr, c'est aussi le décès de maman. Mmh. Et c'est là où j'ai pris la mesure, peut-être un peu plus, de ce qu'était Maurice Genevoix, tout simplement parce que c'est dans ses mots à lui que j'ai trouvé une forme de réconfort. Et c'est en pleurant maman et en la cherchant, elle, dans sa maison des Vernelles, puisque pour moi c'était d'abord la maison de ma mère, que j'ai finalement fini par trouver le pas et le ton de mon grand-père. Cette maison qui est maintenant la vôtre et où vous écrivez des préfaces à l'œuvre de votre grand-père, à la table où lui-même, assis en face de la Loire, écrivait ses livres. Oui, c'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir écrire à sa table de travail. Je m'étais toujours refusé de m'y installer dans mes études ou à quelques moments que ce soit. Et c'est vrai que j'ai commencé à prendre cette liberté lorsqu'on m'a demandé pour la première fois d'écrire quelque chose sur mon grand-père, je ne sais plus si c'était une préface ou un discours, mais il m'était apparu assez naturel finalement, pour parler de lui et pour exprimer ce que j'avais à dire de lui, de m'installer à sa table de travail. C'est vrai que cette habitude est venue, puisque j'ai eu la chance de participer un petit peu à ce mouvement de remise en avant et de redécouverte de Maurice Genevoix. Et je considère que c'est une très grande chance. Alors ce mouvement de mise en avant et de redécouverte, vous le portez en étant président de l'association Ceux de 14, vous le portez aussi en faisant la promotion, pourrait-on dire, de la mémoire de votre grand-père qui aurait dû, la semaine prochaine, conduire à l'entrée de Maurice Genevoix au Panthéon. Ça ne s'est pas fait. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ça se fera sans doute aussi l'année prochaine. Alors d'abord, je vous dirais que ça se fera évidemment l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il ne s'agit que d'un report de la panthéonisation, mais il n'y a pas de modification de cette panthéonisation. Alors les raisons qui ont été avancées sont très simples, c'est que l'année prochaine coïncide avec le centenaire du choix du soldat inconnu, et que donc il y a eu cette envie finalement de lier les deux événements. Et à partir de là, à partir du moment où Maurice Genevoix entre toujours au Panthéon avec ceux de 14, parce que c'est ça la construction qu'on avait proposée. Encore une fois, Maurice Genevoix, on n'a jamais envisagé de le faire entrer au Panthéon en tant que soldat ou en tant qu'écrivain. Non, il nous apparaissait important de le faire entrer au Panthéon comme témoin de ce qu'avaient vécu ses frères d'armes et avec ses frères d'armes. Parce que si Maurice Genevoix prend la plume, c'est pour ceux qui ne peuvent plus parler. Mmh. Et donc, il va entrer au Panthéon, et finalement, cette année de report ne change pas grand-chose. Encore une fois, ce qui est important, c'est le geste, c'est la décision, et la date, finalement, importe assez peu. Alors, ce n'est pas pour avoir écrit Rabolio, par exemple, que votre grand-père entrera au Panthéon l'année prochaine, mais nous, ça ne va pas nous empêcher de parler un petit peu de ce roman, Prix Goncourt 1925, et qui reparaît au Cahier Rouge des éditions Grasset, dans une nouvelle préface que l'on vous doit justement, Julien Larère-Genevoix. D'abord, dire un mot sur les différentes versions de ce livre. Je crois que votre grand-père, au fur et à mesure, avait un petit peu modifié son texte qui parle d'un braconnier dans les forêts de la Sologne. Il l'avait effectivement un petit peu modifié pour finalement, et il disait, c'est assez paradoxal, mais pour se rapprocher à chaque fois davantage du personnage de Rabolio tel qu'il devait être. Et je crois que tout à l'heure, on a parlé un peu de cette de l'importance de la sensation chez Maurice Genevoix et de l'impression première. Et finalement, il va écrire Rabolio, et quand il va le corriger, c'est pour le rendre plus proche de ce qu'il aurait voulu qu'il soit. Donc c'est une espèce de correction, mais modeste. Il change. C'est surtout des retraits. Hein. Ce sont des retraits pour épurer, pour finalement qu'on aille plus à l'essentiel de ce qu'est Rabolio pour Maurice Genevoix. Et puis aussi retirer un vocabulaire un peu technique. Un vocabulaire un peu technique qui peut faire peur, et c'est vrai que Rabolio est un texte qui enfin, le livre se lit très facilement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes très techniques, de vénerie, de chasse, de braconnage, de la même façon que dans La Dernière Hearde aussi, il y a des termes assez compliqués, ça n'est pas absolument évident. Mais il a voulu parfois maintenir ces termes parce que c'est l'authenticité de son récit qui est en jeu, et en même temps simplifier un peu pour que ce ne soit pas non plus une encyclopédie, et que peut-être le côté technique ou linguistique ne fasse pas barrière à l'intrigue, en quelque sorte. Depuis la veille, le yard de l'étang, grand ouvert, tirait. Cela faisait à la surface de l'eau un entonnoir aux parois luisantes, un tourbillon tranquille et fort, si continuellement régulier qu'il apparaissait immobile. Toute la nuit encore, le yard avait tiré. Toute la nuit de sa maison, le garde Tournefière en avait entendu le fracas monotone. Derrière ces volets clos, les ténèbres bruissaient de ce lourd et frais grondement. Il l'entendait du fond de son sommeil, en même temps qu'à son flanc, dans l'épaisseur duveteuse de la couette, il percevait vaguement le poids abandonné du corps de Thasie, sa femme. Et quelquefois, ce bruit l'éveillant tout à fait, il recouvrait soudain la conscience des choses familières. Il distinguait vers le chenil le souffle ronflant de son vieux chien Pillon, le choc mou d'un lapin qui se retournait dans sa caisse, les broumants d'ailes d'une poule au perchoir, ou celui d'un faisan dans la volière d'élevage. C'était autour de la maison l'enveloppement de l'espace familier, la houlée lointaine d'épinerais au passage d'un coup de vent, le cri rouillé d'une chevêche en chasse, toute la grande paix vigilante des nuits, où cette nuit s'entendait infatigable le grondement de l'œillard au travail. Des œuvres sur France Culture. Vous devez les connaître par cœur quand même, ces premières lignes de Rabolio, Julien Larère-Genevoix. Je commence à les connaître un petit peu. Je connais mieux ceux de 14 quand même, parce que je l'ai encore plus lu, mais c'est vrai que Rabolio est un livre que j'avais lu encore très jeune et que j'ai relu à plusieurs reprises, et je commence maintenant peut-être à percevoir toute la portée de ce livre. Alors, la portée de ce livre, ça a d'abord été un immense succès, dû au prix Goncourt probablement. On avait promis, ou on avait annoncé le prix Goncourt à Maurice Genevoix plusieurs fois, et puis finalement, en 1925, il l'a eu pour ce roman. Il l'a eu pour ce roman, et je crois que ça n'était pas du tout d'ailleurs un prix Goncourt par défaut. C'est vrai qu'il ne l'avait pas eu l'année précédente, et à plusieurs reprises, et c'est vrai qu'il avait des supporters dans le jury du prix Goncourt, et c'est vrai que c'est arrivé pour Rabolio. Et Rabolio, c'est vrai, a changé considérablement la vie de Maurice Genevoix. D'abord pour une raison très simple, c'est qu'il avait déjà eu du succès en tant qu'écrivain. Il y avait déjà son œuvre de guerre, qui était connu, mais on en a parlé tout à l'heure, il y avait cette étiquette d'écrivain de guerre. Et puis, il y avait eu un autre livre quand même qui avait ouvert la voie à autre chose que l'écrivain de guerre, c'était Rémy Desroches, qui était le grand livre sur le Val-de-Loire. Et quelque part, Maurice Genevoix voulait faire avec Rabolio ce qu'il avait fait pour le Val-de-Loire, mais pour la Sologne. Et donc ce sont des livres un peu jumeaux. Ce sont un petit peu pas des livres jumeaux, mais en tout cas, il y a une forme de, il y a un lien entre les deux, bien sûr, donc Rabolio va changer la vie de Genevoix pour une raison très simple, c'est que je crois que ça va le conforter dans la certitude qu'il est écrivain et qu'il peut en faire sa vie. Et ça va sans doute le rassurer et lui donner commencer à lui permettre d'avoir cette stature qui va l'emmener tout au long de sa vie à l'académie, puis le reste. Mais surtout, et le plus important, et c'est ça pourquoi Rabolio est essentiel dans la vie de Genevoix, c'est que c'est ce qui va lui permettre de découvrir et d'acheter la maison des Vernelles. Alors il va l'acheter avec la récompense du prix Goncourt, et il va ensuite vendre le manuscrit pour pouvoir financer les travaux de cette maison. Mais donc c'est à partir de ce livre, finalement, qu'il va construire son lieu, sa vie, et que les Vernelles vont devenir son point d'ancrage, son port. Cette maison, entre parenthèses, est-ce que vous avez imaginé un jour l'ouvrir au public ? Alors, elle a été ouverte au public régulièrement, à une époque pendant les journées du patrimoine, puis ça ne s'est plus fait, et aujourd'hui nous la réouvrons aussi régulièrement, mais pour des initiatives assez locales, parce que là-bas on nous le demande souvent, et on est toujours très content de le faire. Mais on envisage avec ma sœur effectivement de la réouvrir plus dans les années à venir, parce que nous sentons bien qu'il y a une demande pour cela. Alors revenons à Rabolio. Et c'est un roman qui il alterne à ce moment-là les romans de guerre, enfin les récits de guerre, et puis les romans sur la nature. C'est quand même un livre dans lequel la mort est présente. Bon, alors évidemment la mort des animaux, puisque ça parle de braconnage, et puis ça vient aussi d'un fait divers, qui est un assassinat d'un braconnier que votre grand-père avait découvert en lisant Le Républicain orléanais. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de ce livre, qui est une genèse du coup un petit peu sanglante quand même? Alors d'abord, je crois que il y a la guerre quand même, est encore très présente dans Rabolio. Ça n'est évidemment pas un livre de guerre, mais je crois qu'on ne comprend Rabolio, et on ne peut comprendre pourquoi est-ce que Maurice Genevoix l'écrit, que si on se rappelle qu'il a été lui-même soldat. Parce qu'il y a quand même beaucoup de points communs. Alors, je vais d'abord en citer deux. D'abord, c'est que Rabolio, donc le personnage principal, est un soldat qui revient de la guerre aussi, et qui, d'une certaine manière, ne retrouve pas tout à fait sa place, et qui surtout, du fait des sacrifices consentis à la guerre et des souffrances vécues, eh bien, va se trouver dans une incompréhension totale et un refus finalement d'une nouvelle, ou d'une volonté d'interdire le braconnage. Et il ne va pas l'accepter, et il va pas l'accepter au nom aussi de ce qu'il a vécu. Et il se dit, mais de quel droit est-ce qu'on prétendrait aujourd'hui m'interdire de faire cela avec ce que j'ai vécu? Alors qu'on m'a demandé de tuer non pas des animaux mais des hommes. Sans doute aussi, et surtout qu'on a pris le risque de me faire mourir et de me voir et de me forcer à voir tant de morts. Et je crois que cette révolte-là de Rabolio, qui tient le personnage de Rabolio, elle existe aussi chez Genevoix. Et il y a un parallèle. Le parallèle, c'est que quand Genevoix revient avec ses camarades, se pose la question de l'agrégation. Est-ce qu'il faut la passer ou pas? Est-ce qu'il faut la faire passer à ceux qui sont revenus? Et la position qui est prise est de dire qu'il faut passer l'agrégation. Et Maurice Genevoix refuse de la passer. Refuse de la passer parce qu'il dit c'est une insulte pour ceux qui sont morts, pour ceux qui ne peuvent pas revenir, pour ceux qui auraient dû la passer. Et c'est aussi une insulte pour nous de venir prétendre qu'il faudrait faire comme si rien n'avait existé. Donc là, il y a bien ce lien, il y a bien cette proximité. Puis il y a autre chose aussi, c'est que le personnage principal de Rabolio, c'est Rabolio, mais il n'y a pas de personnage principal s'il n'y a pas son ennemi. Et son ennemi, c'est le gendarme. Et c'est le gendarme... Votre grand-père n'aimait pas les gendarmes. C'est pas mon grand-père tellement qui n'aimait pas les gendarmes, en réalité, parce que je crois qu'il avait... Mais il avait le souvenir de la Première Guerre mondiale. Et là encore, l'antagonisme entre les gendarmes et les soldats... Parce que les gendarmes n'étaient pas sur le front. Ben, ils étaient pas loin du front, ils tenaient le front. Et c'est aussi une réalité, c'est qu'il y avait des gendarmes qui tenaient le front pour que les soldats, qui eux étaient à proprement parler sur le front, restent sur le front. Donc il y avait parfois une détestation des soldats pour le gendarme qui tenait le front et qui aussi était accusé souvent d'avoir dénoncé le comportement des troupes, des pillages, des choses comme ça. Donc les relations n'étaient pas bonnes. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une trace de ça. Dans ceux de 14, il n'y a qu'un passage où il y a une mort qui est presque accueillie par une forme de joie. C'est lorsque un gendarme est tué par un obus et un soldat, ça n'est pas Maurice Genevoix, mais je ne sais plus qui est le soldat à ce moment-là, mais semble effectivement se réjouir de cette mort et se dire, bah, pour une fois qu'il y a un gendarme qui en prend un aussi, il y a quelque chose de juste là-dedans. Mais alors, sur... alors il y a la question du braconnage, c'est aussi être un petit peu en dehors de la société. Il y a sans doute ce symbole-là. Il y a le fusil quand même, on ne peut pas ne pas penser au fusil de 14. Il y a le fait de tuer. Comment est-ce que votre grand-père, selon vous, arrivait à concilier finalement sa détestation du sang et puis une espèce, je ne sais pas si on peut dire d'apologie, mais enfin, un intérêt quand même pour ce braconnier? Alors d'abord, lui, il l'a dit, il avait vu assez de fusils pendant la guerre pour ne plus vouloir en avoir et en voir. Donc effectivement, ça, lui, il y avait une vraie difficulté à tenir un fusil. Ça, c'est une certitude. Mais pourtant, il a chassé, et notamment pour la documentation, finalement. Il a chassé, mais finalement, la nuit qu'il raconte, qui est une nuit de chasse au falot, il tient le falot. Il chasse pas, il ne tire pas, lui ne tire pas. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est que c'est d'un braconnier dont on parle. C'est pas d'un chasseur ou ce n'est pas d'un groupe de chasseurs. Et donc il y a finalement dans cette chasse quelque chose d'extrêmement mesuré, de parcimonieux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la révolte de Rabolio, c'est qu'il se dit finalement c'est pas pour les 2, 3 lièvres, 4 lièvres ou 5 lièvres que je pourrais prendre au cours de la plus extraordinaire nuit de braconnage que ça va changer quoi que ce soit. Donc il y a cette différence. Et puis il y a aussi et ça s'exprime un profond goût de la liberté. Vous avez des passages entiers où Rabolio évoque, enfin Maurice Genevoix évoque justement ce goût, cette envie qui vient de non pas de la chasse, mais du braconnage, de la promenade, de la forêt. Alors cette forêt qu'il a beaucoup pratiquée, il faudrait qu'on dise un petit mot quand même de la manière dont ce livre a été écrit. C'est-à-dire que votre grand-père finalement, il s'est installé, il s'est mis dans la peau finalement des gens qu'il décrivait. Tout à fait. Alors d'abord, comme pour beaucoup de ses livres ultérieurs, il y a un très important travail documentaire. Et on parlait tout à l'heure de son exigence. Je crois vraiment que pour Maurice Genevoix, écrire c'était un métier, c'était un travail et c'était une ascèse. Et donc il fallait, pour écrire, maîtriser son sujet. Et c'est vrai que pour Rabolio, le volume des notes préparatoires est très largement supérieur à celui du manuscrit, et ce d'autant plus que le manuscrit est finalement très très peu raturé. Un petit peu au début et puis les ratures disparaissent très très vite. Mais surtout, il y a ce fameux rendez-vous. Et il y a ce rendez-vous. Alors ce rendez-vous que mon grand-père a espéré et qui n'a finalement pas eu lieu, parce que finalement, il cherchait un braconnier qui puisse incarner son personnage, pour s'inspirer un petit peu. Et donc, quelqu'un organise un rendez-vous avec un braconnier célèbre qui s'appelle Carré, et puis Carré ne vient pas, parce que Carré est méfiant. Et donc, mon grand-père raconte qu'il attend toute la nuit dans une auberge où il y a un menu qui est servi, menu qui est composé pour plaire à ce fameux Carré qui doit venir, mais qui ne viendra pas. Et Carré ne vient pas. Et mon grand-père en est effectivement très déçu, et finalement... Pour se faire pardonner de ce rendez-vous manqué, l'entremetteur va organiser cette fameuse nuit de chasse au falot, où là, effectivement, mon grand-père va vivre peut-être un peu l'ivresse d'une nuit de braconnage. Mais finalement, ce que dira mon grand-père, c'est qu'il ne regrette absolument pas de ne pas avoir rencontré ce Carré. Parce que s'il avait rencontré Carré, Rabolio aurait été limité à Carré. Alors que là, il a imaginé Carré, et donc ça lui a permis de rendre Rabolio beaucoup plus grand que Carré lui-même. Si tant est qu'il existe, et il existe puisqu'il est effectivement légendairement célèbre en Sologne. Merci beaucoup Julien Larère. Genevoix, il paraît qu'il y a des randonnées pédestres sur le thème de Rabolio en Sologne, des circuits pédestres de 6 km entre les étangs et les plaines de Sologne que nous conseillons à nos auditeurs pour le week-end. Je rappelle que le roman Rabolio de votre grand-père reparaît aux éditions Grasset dans la collection des Cahiers Rouges avec une nouvelle préface de votre main. C'était La Compagnie des Œuvres, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Thibaut Nassimben. Demain, vous retrouverez Manon Farine pour une compagnie des poètes consacrée à Marceline Desbordes Valmore. Quant à nous, c'est en compagnie de Simenon que nous serons la semaine prochaine. Dans un instant, les sciences.